assaut, sans couronne, sans vaisseau. Le vent soufflera sur nos tombeaux comme sur les berceaux. C'est ainsi, les écritures témoigneront tout bonnement de notre utilité, comme les ornements sur nos ossements. Et c'est si fortement que le vent nous balayera et ravivera les discordes, écrasés d'icônes et d'idoles modernes où quantité se dissolvent en quête d'identité, voit un culte à des entités. Aujourd'hui, nos dieux sont réels, polymorphes et revêtent la toge médiatique. Ils révèlent une aura sans précédent. On les adule, les révère ou les craint expressément. Leur image se réverbère et leur confère une visibilité proche de l'ubiguïté. Mais nos interprétations laissent quant à elles toujours place à l'ambiguïté. Les dieux les observent, ou est-ce nous qui les observons? Nous nous remettons aux avis descendants du Panthéon. Croyant que la terre nous appartient, on prétend la maîtriser. Tout savoir car on a tout bien classé, hiérarchisé. On crée de nouvelles espèces, invente des variétés, corrige les tares et toutes les faiblesses. Tout est possible, nos sorciers ne sont plus apprentis. Leur appétit a grandi, même l'espace intersidéral n'échappera pas à l'Empire. Car quand on vise les étoiles, on les atteint, c'est garanti. La puissance, la guerre nous fascine depuis longtemps. Ainsi certains surplombent la terre, comprennent tout ce qui se comprend. Dans leurs mains ils ont des éclairs, ils évoluent dans les sphères du milieu. Mi-homme, mi-dieu, pourquoi attendraient-ils qu'on croit en eux pour nous dominer? Leurs messagers sont des centaines, placés comme des marches d'escalier qui descendent jusqu'à nous, chacune des castes à son palier. On peut supplier, prier qu'ils remplissent un peu nos paniers, crier pour qu'ils nous gardent éloignés des brasiers. Les dieux les observent, ou est-ce nous qui les observons? Nous nous remettons aux avis descendants du Panthéon. Beauté, provocation, puissance et richesse sont leurs égéries. Tant de dieux et déesses insufflant fantasmes et désirs. Les guerres, les louanges, les pouvoirs changent. On ne converse plus du sexe des anges. Ils ne s'affrontent plus dans la fange, les phalanges en sang. Mais c'est toujours la même frange qui subit les dangers sans en connaître les anges. Et ce, des langes au linceul. Il suffit d'une seule étincelle et le conflit étincelle sur les flammes. Les oriflammes flottent et les flèches se frayent des brèches dans le flanc des plus frêles. Les certitudes s'effilent, les empires s'effritent et de nouveau s'érigent. Les victoires s'écrivent sur le dos des défaits, avec le sang des défunts ou à défaut les larmes de leurs enfants endoffés. Qu'est-ce qu'un dieu sans la foi que nourrit ses fidèles, sans ses regards qui le maintiennent quelque part au milieu du ciel? Quel serait son pouvoir sans toutes ses voix pleines d'espoir qui sans arrêt l'encouragent? Sans doute est-ce sa faiblesse, car si pour une raison ou l'autre, que ce soit ou non sa faute, plus personne ne croit en lui, qu'il perd jusqu'à ses apôtres. Sa force s'amenuisant, il ne peut que disparaître. Alors qu'on le croyait tout puissant, ce sont ses sujets qui l'affectent. Et c'est sur les cendres de religion aux dieux déchus que naissent régulièrement les nouveaux dieux qui sont élus. Ils cristallisent les malaises de la portion de la frise chronologique où ils arrivent, sur laquelle ils fondent leur assise. Ils doivent répondre rapidement aux questions posées, donner du sens, des valeurs à la vie qui nous est imposée. On les a mandatés, on est à eux, ils sont à nous. On est rarement athées, vu qu'ils sont partout. Où est-ce nous qui les observons? Les dieux nous observent. Où est-ce nous? Les dieux nous observent. Où est-ce nous qui les observons? Nous nous remettons aux avis descendants du Panthéon. Les dieux nous observent. Où est-ce nous qui les observons? Nous nous remettons.